allons enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Allez l'enfant, viens jouer ton solo. Bien l'enfant. Allons enfants de cette patrie, votre jour de gloire est arrivé. Entendez-vous dans ces campagnes, les jours du féroce soldat. Aux armes citoyens, formez vos bataillons et marchons, marchons. Allons enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Merci au guitariste. Pour la peine, tu vas faire un solo tout seul. T'es prêt ? Est-ce que t'es prêt ? Est-ce que t'es prêt ? Est-ce que t'es prêt ?